On va rejoindre Myriam Segal à l'instant. Myriam, bon matin. Allô? Tu veux diviser ça en deux ce matin, mais je suis d'accord avec toi. On a fait ça pendant tout le show. Il y a deux gros sujets, l'attentat et les élections. On commence avec l'attentat. Ben, l'attentat, il y a des choses qui m'inquiètent énormément. Que le type, ce qui semble un cinglé, là, quand il se présente en robe de chambre, on comprend qu'il est plus mêlé qu'autre chose, il me semble. Mais il va falloir démêler si c'est un fanatique ou un fou. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Un fanatique, ça utilise le mal en se justifiant, en pensant que le but ultime justifie l'utilisation du mal. Un fou, ça sait pas ce que ça fait, c'est pas responsable. Ouais, je comprends. Okay? Je comprends ce que tu veux. Un fanatique, ça se condamne à la prison à vie. Un fou, ça, on le confie au psy. Alors, il va falloir qu'on voit là ce que c'était que ça. Il va falloir qu'on évite de penser que tous les fanatiques sont fous. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont méchants par nature, qui représentent le mal.